www.naturalfun.com. Inscris-toi. Écoutez-nous, écoutez-vous. Salut à tous et bienvenue sur Not Your Fan pour la rubrique copie non conforme avec 5 covers et leur version originale que je vous propose de découvrir tout de suite. Come Together, c'est le titre des Beatles paru en 1969 et figurant sur l'album Abbey Road qui ouvre ce nouvel épisode de copie non conforme. La cover est interprétée par les Montpelliérains de Cursed. Yeah. copie non conforme. En hommage à Aretha Franklin qui nous a quittés récemment, je vous ai programmé un de ses plus grands succès, Chain of Fools, interprété également par le trio montpelliérain Lady Blackbird. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Chain of fools. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Chain of fools. I am ready to break the chains that bind me, and finally happiness will find me. For 5 long years I thought you were my man, but I've been that boy. I'm just a link in your chain. You got me where you want me. Nothing but your food. You treated me mean. Oh, you treated me cruel. Jing, jing, jing. Jing, jing, jing. Jing, jing, jing. My father said, come on home. My doctor said, take it easy. Oh, but your loving is much too strong. I'm added to your chain. I'm added to your chain. I'm added to your chain. I'm added to your chain. Bloody chain of fools. Chain, chain, chain, chain of fools. Chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain of fools. One of these moments is gone and break, but up until that day, I'm gonna take all I can say. Don't give a shit about me. and thou hast led me through a mountain misery. I am the weak link in the train of your blinded fools, but I'll be the one who drag out with it. Wake up, fool, it's time to change the rules. Change, change, change, change, change, change. Forme. Les Hollandais de Joint Strike Fighters nous reprennent « Ça plane pour moi » de notre Plastic Bertrand National, titre sorti en 1977. Pero mi vida sur mon lit à bouffer sa langue en buvant prend mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un alien dans son igloo, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Copie non conforme. On reste en période punk pour écouter Joey Ramone qui nous chante What a Wonderful World, qu'on le retrouve dans la BO de Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. La version originale est de Louis Armstrong en 1967. Thank you.

ça vous a plu? Alors rendez-vous le mois prochain pour la suite des copies non conformes. Salut! www.naturefan.com, inscris-toi.